Bonsoir chers auditrices et auditeurs de Canal B, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz le lundi à partir de 21h30 pour le direct. Également en rediffusion sur cette même antenne le dimanche à compter de 23h et des brouettes. Et également sur internet, sur son blog asile35.blogspot.fr sur lequel vous pouvez retrouver l'intégralité des playlists et des podcasts et ce depuis au moins l'été 2013, et aussi écoutable en stream à partir du mixcloud.com/redman, sans compter le hashtag, non ça y a pas. Et cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir mon camarade Vincent Roussel. Salut Vincent. Salut Philippe, salut à tous. Vincent qui nous fait le plaisir de sa présence pour la seconde fois dans l'asile. Tout à fait. La dernière fois, c'était il y a 2 ans à peu près. Hein, donc, ouais, deux ans et demi. Ouais. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion rêvée de te faire revenir grâce au concert que tu vas donner cette semaine, ce vendredi 21 novembre, avec ton projet. Mon duo Raskolnikov avec Jérôme Pourreau au saxophone et moi-même à la batterie. De free jazz avec Piak aussi, notamment, les Toulousains. Les Toulousains qui sont d'ailleurs de tes amis, dont on va pouvoir parler un peu plus tard dans l'émission. Donc tout ça, ça aura lieu à la Maison de la Grève, rue Le Graveran. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face du café Le Delta à Rennes. Je crois que c'était une ancienne boulangerie, donc il y a toujours... Il y a toujours le panneau, le fournil de Chézy. Voilà. Venez nombreux, je pense que ça va être très très bien. L'entrée est en prix libre, donc vendredi prochain, 21 novembre, Piak et Raskolnikov. On écoutera une partie de l'émission Ces choses-là, et puis aussi des musiques un peu freak que tu nous as ramenées. Ouais, voilà, j'ai fait une petite sélection plutôt radicale, un peu rentre-dedans, et aussi autour de cette formation du duo batterie-saxophone. Et on va passer par New York avec les compères de Borbeto Magus, et par plein d'autres choses encore qu'on va découvrir. Et des musiciens du cru, voilà, qui font partie aussi des terroirs hexagonaux. Et on commence avec un quartet que tu as découvert. J'ai découvert par hasard sur internet, qui s'appelle Moop, et qui est de Poitiers. Et donc c'est un quatuor de sax baryton, guitare et batterie, sorte de jazz core stoner, voilà, ouais. On peut appeler ça comme ça. Donc apparemment il y a des musiciens de Périgueux aussi dans cette formation qui est basée à Poitiers, donc c'est Moop, M2OP, et il y a un soundcloud.com, c'est, pour l'instant ils n'ont rien sorti encore à ce jour, soundcloud.com/mooppercrew. On mettra ça d'ailleurs sur le blog de l'asile. Et on écoute le morceau peut-être le plus grand là-dedans de cette formation, qui s'intitule Bring Me Down par Moop. Voilà, du free rock ultra groovy pour démarrer l'asile de cette semaine grâce à toi Vincent, avec deux de tes sélections et deux formations que tu me fais découvrir, deux formations en plus qui sont pas très éloignées, l'une à Poitiers donc ouais, Poitiers, et l'autre à Lyon, c'est ça. À Lyon, donc tout d'abord Moop, qui sonnait un peu comme du zoo, mais du très grand zoo de la grande époque. Ouais, c'est ça. Avec le baryton dans toute sa splendeur, et du brutal, hein, du baryton brutal, bien évidemment. Il était enchaîné avec une autre formation, là plutôt du côté de l'Ethio Jazz lyonnais. Ouais, bonne découverte aussi, encore une fois sur SoundCloud. Je connaissais pas du tout et ça sonne plutôt bien effectivement, encore ce mélange éthiopien jazz rock un peu alambiqué, plutôt bien écrit et bonne découverte. Et ça s'appelle le You Can Dance. Ah oui, j'avais pas dit ou quelque chose comme ça, enfin en tout cas U African Dance. Je pense qu'il y a des jeux de mots autour de, voilà, c'est un mot à tiroir, donc dans tout ça en un seul mot. Et bah, j'ai mené ma petite enquête hein, grâce alors, à toi. Voilà, donc, et bah, dans You Can Dance, on retrouve bah, quelqu'un qu'on connaît pour l'avoir vu en concert à Rennes à plusieurs reprises, en la personne de Damien Cluzel, le guitariste baryton de Kuma. D'accord. Voilà. Ça y est. Parce que voilà, une formation donc un peu dans l'orbite des Kuma et autres polymorphies de monsieur Damien Cluzel, que je ne connaissais pas du tout et que tu me fais découvrir donc ce soir. Ouais, je me disais bien qu'il y avait un rapport avec Kuma et toute cette bande-là, mais j'avais pas creusé autant. D'accord. Et bah donc on y retrouve en plus des quatre de Lyon, le chanteur d'Addis Abeba, Asnaké Ghebreyes, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop comment on le prononce, hein, le nom de ce chanteur éthiopien qui doit être basé aussi du côté de la Hollande, hein, puisqu'il a aussi collaboré aux côtés de ZX, comme c'est étrange, et de Getachew Mekuria, et aussi au sein du trio de Mohamed, de Jimmy Mohamed. Voilà, donc c'est un peu la grande scène éthiopienne. Et ils ont sorti un disque chez Bouddha Music, celui qu'on écoutait juste à l'instant. Je crois que c'était un disque éponyme. Pas du tout, il s'appelait Yetchaval. C'est sorti il y a tout juste 2 ans. Et bah, apparemment, ils ont récidivé il y a peu. Oui, bah oui, j'ai vu. J'ai juste vu la pochette du nouveau 45 tours, je crois, ou 33 tours qui viennent sortir. Et ça a l'air plutôt pas mal aussi. Ouais, c'est un 45 ouais, qui est sorti apparemment chez Du et Dou, voilà, une écurie Du et Dou, qui compte aussi les Schrombes et Poils à son actif. Okay. Hein, voilà, bon, un peu tout ce grand consortium du free rock alambiqué lyonnais, plutôt de très très bon goût. Et on va continuer bah, toujours un peu dans le brutal rock libre, avec là quelque chose que j'ai ramené. Il s'agit de monsieur Alex Weiss, qui est un saxophoniste qui a travaillé avec pas mal de gens, Wade Adaleo Smith, John Chikai, etc., etc., qui est basé, comme c'est étrange, à New York, et qui a sorti un disque fin 2013 sous le nom de Fighter Planes and Praying Mantis, qui est plutôt très très bon dans les mélanges aussi et croisements entre rock et jazz free. Voilà, on écoute ça tout de suite. On avait déjà passé un bout quand c'était sorti en début d'année 2014. On réécoute donc Alex Weiss et son Fighter Planes and Praying Mantis. Reprends l'antenne pour changer de piste. C'était pas le morceau attendu. On écoute Your Last Affront, qui est un morceau nettement plus rentré dedans par Alex Weiss. We'll be right back. Et oui, l'asile était une vraie émission hardcore. Particulièrement aujourd'hui. Avec les deux titres qu'on a entendus. Tout d'abord, Alex Weiss et une tuerie sortie par ce saxophoniste basé à New York, qui a aussi pas mal officié du côté de San Francisco d'ailleurs. Et l'album Fighter Planes and Praying Mantis, sorti chez Out Now. Et on retrouvait d'ailleurs Boches Smith à la batterie qu'on a écouté la semaine dernière avec son projet Ziz Archiz, et qui joue aussi dans quantité de projets de jazz contemporain comme aussi de rock avec notamment les Secret Chief 3, voilà, par exemple. Et donc un disque qui mélange post-rock, noise, ambient et jazz core ou contemporain. On y retrouve même du berimbau. Étonnant, il y a des mélanges avec berimbau, l'arc musical brésilien, sur ce disque de Alex Weiss, qui était enchaîné avec une formation bien de chez nous, francilienne, on va dire. Du terroir, comme on a dit tout à l'heure. Les fameux DDJ et leur deuxième album Everybody Happy, point d'interrogation, ils auraient même pu mettre un point d'exclamation ces trois là donc le trio infernal Benjamin Douce-Tessier au sax baryton, Julien Després à la guitare et Yann Joussin à la batterie. C'était sorti chez Quax Records bien évidemment, et c'était pour vous signaler également que monsieur Yann Joussin jouera à Rennes à la Maison de la Grève pour la seconde soirée de la rentrée d'Interzone. Donc ce sera le 5 décembre pendant la période des trans, le vendredi 5. Donc la confirmation est arrivée aujourd'hui même. Donc il fera un solo batterie électronique, voix, flûte à bec et avec de la danse. Voilà, monsieur wow. Yann Joussin, qui a fait partie donc de DDJ, de Rétroviseur, Pipeline et quantité d'autres projets fantabulesques. Et dans cette même soirée, il y aura le trio de monsieur Étienne Ziemniak à la batterie, Maxime Bobo au sax et Patrice Grant à la contrebasse, les Voku Ida, qui seront aussi donc vendredi 5 décembre à la Maison de la Grève, toujours rue Le Graveran. Donc ce qui nous ramène à la soirée de ce vendredi 21 novembre, dans laquelle vous pourrez voir Piak, qu'on écoutera tout à l'heure, et ta formation, Vincent, Raskolnikov, tout à fait. Et on va écouter deux pistes, un live enregistré à Les Labos en juin, donc moi-même à la batterie, et Jérôme Pourreau au saxophone ténor et à la flûte. C'est une formation que vous avez démarré... Qu'on a démarré l'année dernière. J'ai contacté Jérôme et on a fait de la musique et on a pas mal de dates en décembre là. Le 11 décembre à la MJC Grand Cordel, le 2 à l'Espace M à la Fac, le 21 à la Maison de la Grève et peut-être à Paris le 5. Voilà. Bon, on écoute donc. C'est parti. Raskolnikov.

Un petit dernier parce que vous avez été sages. Ouais, il y a les trois quarts des gens qui sont partis. Comme d'hab. Nous, on est restés, on est là. Ouais, merci. Eh bien, disons, ça rigole pas, Raskolnikov et Dufry, assez punitif. Punitif. Non, je sais pas, histoire de trouver une étiquette un peu... Ouais, on rigole, quoi, on se met pas trop de contraintes et on y va, on rentre dedans, quoi. D'accord. Et pourquoi Raskolnikov? Eh bien, ça, c'est Jérôme qui lisait Dostoïevski à ce moment-là. Ou Tolstoï, non, Dostoïevski, ouais. Et qui s'est dit que ce personnage de Raskolnikov incarnait bien peut-être notre musique qui est changeante, qui va d'un état à un autre et qui comme ça évolue par des biais multiples. Ok. Donc on pourra vous admirer ce vendredi 21 novembre donc à la Maison de la Grève au 37 rue Le Graveran. Il y a aussi donc un SoundCloud où on peut... Oui, tout à fait. SoundCloud sur Raskolnikov, sur SoundCloud. Et on aura un morceau surprise le 21 qui va envoyer ses vers. Ok. Vous avez des objets aussi Ouais, il y a tout un tas de... Moi, j'ai plein d'objets, de trucs en ferraille, de bidules. Et Jérôme, lui, il a plusieurs sacs avec des klaxons vissés dessus, des flûtes bizarres, des machins, quoi. D'accord. Donc on fouine et on cherche. Voilà. Ok. Et la batterie percussion, c'était ton instrument d'origine ou... Oui, ouais. Okay. En fait, je me suis remis à la batterie plutôt récemment, quoi, il y a une petite année. Mmh. Et du coup, je me suis beaucoup dispersé ces dernières années. Donc là, vraiment... T'as vu avec des instruments étranges, des sortes de clairons avec des hanches de clarinette ou des choses... Ouais, tout un tas de lutheries sauvages que j'avais faites, ouais. Et là, je me suis vraiment bien mis à la batterie et du coup, le free jazz, évidemment, quoi. Puis des pièces d'art sonore aussi, comme celle que tu as faite aussi pour le Festival Electronica. Ouais, Ouais, qui était complètement différente de ça, mais une autre partie de mon travail aussi liée au son continu et à l'immersion du corps et aux textures sonores, hein, tout genre. Et un track qu'on peut écouter aussi sur un SoundCloud de Vincent Roussel. Ouais, tout simplement. De toute façon, il y a, la pièce entière qui a été mixée et qui est en écoute libre. Et, voilà, un enregistrement d'une des performances pendant le festival. Ok, de toute façon les liens sont à partir du site d'Interzone au pluriel .free.fr vers ces deux SoundCloud. Et quant au PIAC, tu vas pouvoir en parler plus aisément que moi puisque tu es un vieil ami de ces... Ouais, ça fait un moment que je les vois, même si bon, ça fait quelques années que je suis à Rennes et bon, voilà. Mais moi j'ai vu au tout début leur premier groupe... qui s'appelait 75 Bulbes, où il y avait Guillaume aussi dedans, et c'est une espèce de freecore jazz complètement fou, un peu à la Naked City, John Zorn, et un peu en mélange de plein de choses. Et là, ça fait donc, je sais pas, 4-5 ans qu'ils ont ce trio maintenant, peut-être un peu plus, et c'est vraiment, moi je trouve une musique très très intéressante, parce qu'ils sont pas du tout dans les idées ou un peu les clichés ou les gimmicks qu'il y a dans le genre vraiment free jazz. Ils sont vraiment dans quelque chose de beaucoup plus tenu, beaucoup plus précis, avec une espèce de rigueur et en même temps une liberté sans frontières. Mais ça sonne hyper bien, quoi. C'est un trio double sax et set de percussion, batterie et aussi structure métallique avec différents gongs et ce genre de choses. Donc ils ont vraiment un registre qui peut aller un peu aux antipodes entre des choses son continu, recherche de texture, comme des choses peut-être plus connues dans l'improvisation libre, quelque chose comme ça. Donc ils sont basés dans le sud-ouest, hein, du côté. Ouais, c'est ça, du côté de Toulouse, ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Donc Florian Nestorg, Julien Ginest et Bertrand Fraisse. Et on va attaquer, ils ont plutôt par un side project d'ailleurs. On pensait que c'était pas mal de démarrer avec ces musiciens du sud-ouest avec un projet avec un nom assez rigolo. Tout à fait. Nibule. Alors Nibule pour démarrer, puis qui sera enchaîné avec Piak et puis un troisième extrait d'une autre formation, mais on vous présente ça tout à l'heure. On écoute Nibule pour démarrer avec un concert aux abattoirs, donc c'est à Toulouse, donc du 20 mars 2014. Nibule, side project des Piak. c'est une misère de couper ce... la dure loi de la radio. Eh ben oui, une longue pièce de 25 minutes comme celle-là. En plus, une formation qui porte un nom de circonstances. De circonstances, oui, tout à fait. Le but rennais. Le but rennais, en chair et en os. Ils sont évidemment de Toulouse, donc. Eh oui, Florian Astor à la batterie cette fois, et non pas au sax comme dans les Piac, et Julien Ginest, l'autre saxophoniste de Piac, au saxophone. Et juste avant, c'était Nibul avec Bertrand Fraisse, donc le batteur de Piac à la batterie, et Julien Ginest au saxophone. Et qui pratique la transe traditionnelle et la bourrée tibétaine. La bourrée tibétaine. Comme c'est mis sur leur bandcamp qu'on postera sur le site de l'émission. Et c'était enregistré d'ailleurs en concert avec un téléphone portable. Magie voilà, de la technologie, le son est incroyable. Assez bonne restitution, ouais, franchement. Et au milieu, on entendait les Piac, extraits de leur unique disque à ce jour. Mais je crois qu'ils devraient récidiver non pas trop longtemps. Ah bah j'espère, ouais. Qui sont quand même assez actifs, ouais. Ces trois musiciens. Il y a d'ailleurs aussi une grande formation sous le nom du Grand Piac. Le Grand Piac, ouais. Que j'ai raté cet été dans le Lot, mais qui apparemment était plutôt bien. C'est une formation, alors 4 sax, trompette, trombone, basse et 2 batteries. Excusez du peu, et dans laquelle on retrouve d'ailleurs les gens un peu d'autres Toulousains, comme Marc Mafiolo, qui joue dans No Noise Reduction aussi, avec Florian Astorg, et Marc Demero de Cannibal Ivaine, et aussi le... Le tigre des platanes, voilà, ils ont le chic pour trouver des noms assez incroyables, ces musiciens du sud-ouest. Quant à Piac, j'avais eu la chance de les entendre l'été dernier, c'était donc au festival d'altitude jazz à Luz, ils avaient joué le 14 juillet à la Maison de la Vallée et c'était dantesque, c'était un peu à une heure... très inhabituel à 11h du matin, mais ils ont scotché tout le monde. Ouais, j'ai entendu dire aussi que c'était un très très bon concert. C'était incroyable. Ouais. Et donc je ne peux que vous conseiller de venir les écouter ce 21 novembre à la Maison de la Grève en compagnie de ton groupe Vincent Raskolnikov. On continue avec une autre de tes sélections. Oui, j'ai oublié laquelle. Alors je crois que c'est Jean-Luc Guionnet et Didier Lasserre, c'est ça. Autre duo. Voilà, un autre duo pour continuer dans la lignée du but rennais. Donc Didier Lasserre, incroyable batteur de free et de musique improvisée, indétrônable. Et Guionnet aussi, du sud-ouest, de Bordeaux. Et Guionnet, je ne sais pas où il vit Guionnet d'ailleurs. Oh, Guionnet, je crois qu'il vit de l'air du temps, un peu où il peut. Mouvant. Et donc voilà, un super, super duo qui s'appelle. Non, un super album qui s'appelle Out. Et donc voilà, on va vous faire écouter ça. Ça envoie du pâté aussi, c'est très bien. Sorti en édition très limitée. Très limitée. À 15 CD. Thank you. Séquence de jazz free comme on l'aime, comme on l'aime, qu'on la savoure, avec Jupiter pour terminer. Et oui, donc du sax batterie dans tous ses états, Jean-Luc Guyonnet en compagnie de Didier Lasserre sur une petite production de Didier lui-même d'ailleurs, ouais. Qui est enchaîné donc avec le duo mythique, hein, peut-être les inventeurs du style sax batterie, John Coltrane en compagnie de Rachid Ali. Donc qui avait quitté momentanément Elvin Jones, pour un autre genre de voyage dans le cosmos. Tout à fait. Une formation qui a jamais été produite en concert, je crois d'ailleurs. C'est un album vraiment qui a été enregistré en studio et c'est très qui a jamais été joué. Ouais. Ouais, tout à fait. C'est intéressant. Et on va continuer avec du jazz free noise que tu nous as ramené. Moi je fais une petite investigation dans les membres de Borbeto Magus, les incroyables New-Yorkais rageurs. Et j'ai trouvé un CD de Jim Sauter avec Kid Millions, donc Jim Sauter au ténor et Kid Millions à la batterie. Donc saxophone amplifié, distorsion et batterie qui tabasse quoi. Un autre genre de mélange de hanches et de peau. Ouais. We'll be right back. Un ouragan. Quel régal. un excellent choix pour conclure l'asile de cette semaine. Ouais, The New Monuments, avec Don Dietrich, c'est Spencer Yeh, c'est ça. Et ouais, le troisième, j'ai oublié. Et le troisième, qui est bah, Ben Hall. Ouais, Ben Hall, c'est ça. Ouais. Donc le kit de Minneapolis, si Spencer Yeh, Monsieur Burning Starcore, au crin-crin amplifié, quoi. C'est ça. Et puis ces deux acolytes. Excellent disque sorti chez Important que tu nous as ramené, Vincent. Et franchement, ça dépote. Oui. Bah, je te remercie pour toutes ces sélections, en tout cas. Avec plaisir, merci à toi. Et je rappelle donc le concert de Free Music à ne pas manquer cette semaine à Rennes, vendredi 21 novembre, à la Maison de la Grève, au 37 rue Le Graverand. L'entrée est en prix libre. Venez nombreux. Voilà, il y aura donc Piak, Trio et Raskolnikov, ton duo, sax, batterie. Et j'espère pouvoir faire un quintet pour finir. Ce serait formidable. Ça. Ça fait partie des cerises sur le gâteau que vous pourrez donc peut-être entendre ce vendredi. Il faudra donc venir pour se faire pour avoir cette surprise. Et on va terminer avec de nouveau une programmation de l'association Interzone, donc qui aura lieu vendredi 5 décembre également à la Maison de la Grève, avec le projet donc de monsieur Étienne Ziemnak Vokuila, en compagnie de Maxime Bobo au saxophone et de Patrice Grant à la contrebasse. Donc ce sera le vendredi trans, le 5 décembre très exactement. Et comme on a fait beaucoup de cette programmation autour des duos sax batterie, tout à fait, n'est-ce pas, je me suis dit que le duo Alexandre Bélanger sax et Étienne Ziemnak à la batterie était une très belle conclusion, avec une pièce totalement dans un autre registre, donc beaucoup plus douce cette fois-ci, une pièce en continu de 39 minutes dont on écoutera évidemment qu'un extrait. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette playlist sur le site asile35.blogspot.fr. et je te remercie encore, Vincent. Merci à toi, Philippe, à bientôt. Et à bientôt, bonne nuit, bonne semaine. Ciao, ciao.